téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Free Stupid White Male, l'Amérique blanche en question, une série de Nicolas Champeau réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a un président misogyne qui s'en vante et un franco-américain qui ne reconnaît plus son pays et retourne à Atlanta pour explorer une masculinité désormais plus fragile. Alors pour commencer, les personnages. Une femme invisible, deux chercheuses qui définissent, un couple dubitatif, un caricaturiste démuni, un psychiatre qui décortique, une prof de droit et le chauvinisme, des femmes libres, un cachotier qui sniffe et un plasticien qui doute. Ensuite, le décor. Les campus, l'exaspération, le Caucase, la beauté, un dîner au restaurant, des insultes, des jeux de pouvoir, le masculinisme, les toilettes d'un club de striptease, le rêve américain et le doute. Aujourd'hui, 4e épisode, un petit air de Johnny Cash. Mère, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine. My experience with sexism, especially as a black woman, when it comes to white men, mon expérience avec le sexisme, surtout en tant que femme noire exposée à des hommes blancs, c'est l'impression d'être invisible. Soit ils ne te voient pas, soit au contraire ils te sexualisent à outrance. Quand j'étais à l'université de Géorgie, il y avait dans ma classe des blancs qui ne m'adressaient jamais la parole. Mais quand on se croisait à des fêtes et qu'ils avaient un peu bu, alors tout à coup, ils voulaient danser avec moi. Et moi, je disais non. Et je retournais à mon groupe d'amis. Je n'en avais pas le désir. Depuis le lycée, je savais comment ça se terminait en général. Et puis je savais comment les Blancs avaient tendance à se comporter dans cette université en particulier. Donc je n'avais pas très envie d'échanger avec eux, et eux non plus. Donc je me suis tenue éloignée d'eux, par tous les moyens possibles. Charlene March vient d'obtenir son diplôme à la University of Georgia, connue pour son équipe de football américain, les Georgia Bulldogs. Leur stade peut accueillir jusqu'à 92 000 spectateurs. Elle était vice-directrice du conseil étudiant, élue avec deux colistiers noirs. C'était une première dans l'histoire de l'université. Lorsque j'ai dirigé la campagne pour la prévention des agressions sexuelles sur les campus universitaires, on avait monté une bonne vidéo qui mettait l'accent sur les différentes situations et sur les personnes vulnérables. La vidéo a été diffusée à la mi-temps de l'un des plus importants matchs de football américain de l'année. Mon université a affronté l'équipe d'Auburn. On avait fait la vidéo en partenariat avec l'association d'athlétisme de l'université et la semaine après le match, j'ai reçu un coup de fil de l'association. C'était une femme. Elle n'était pas gênée par la vidéo, mais des donateurs avaient appelé son bureau pour dire que cette vidéo n'était pas très flatteuse pour l'université. J'ai pleuré après ce coup de téléphone. Bien sûr, on ne peut pas dire explicitement « reste à ta place ». Mais à chaque fois que je défendais une cause, il y avait un retour de bâton. J'avais l'impression qu'on me renvoyait à mon statut de petite fille noire qui parle toujours de racisme et de la cause des femmes. Et je pense que le fait qu'une femme m'ait appelée confirme que ce ne sont pas que les vieux blancs qui soutiennent certains systèmes. Si le patriarcat, si la suprématie blanche sont encore en place, ce n'est pas seulement grâce aux hommes blancs. C'est aussi grâce au soutien de certaines femmes qui protègent ce système. Donc tous les gens qui cautionnent sont un énorme problème. On le voit même avec le président Trump. Il y a tellement de gens diplômés et compétents assis à ses côtés et qui savent pertinemment que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais ils se taisent car ils ont peur de perdre l'influence politique qui leur reste. Et c'est triste que ça se passe à un tel niveau, car dans le pays, des millions de vies sont affectées par ce comportement, et des milliards dans le monde. Donc si ça se passe à un tel niveau, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des répercussions sur les campus universitaires. Notre pays ne produit plus assez d'hommes blancs en colère pour nous permettre de rester aux commandes. C'est une déclaration prononcée en public par le sénateur Lindsey Graham lors de la convention du Parti républicain en 2012, quelques mois avant la réélection triomphante de Barack Obama. 4 années plus tard, Donald Trump créait la surprise en barrant la route de la Maison-Blanche à Hillary Clinton, grâce, en partie, au vote des hommes blancs non diplômés dans les États clés. Tout indique qu'ils ne sont pas du tout gênés par son chauvinisme mâle. Au contraire, Trump a compris qu'il pouvait exploiter l'exaspération chez les hommes qui ont l'impression que les structures du pouvoir leur échappent. I believe that a lot of white men suffer from a sense of entitlement. Je crois que de nombreux hommes blancs souffrent parce qu'ils considèrent qu'un grand nombre de choses leur reviennent de droit. Et lorsqu'ils comprennent que d'autres personnes qui ont travaillé dur commencent à avoir accès à des postes à responsabilité, ils se sentent menacés. Et certains se rendent compte qu'ils doivent leur poste à leurs privilèges et pas parce qu'ils leur revenaient de droit. As human beings, it's very easy for us to become angry when we're faced with conflicting information. Et quand on est confronté à des informations contradictoires, on se met souvent en colère. Mais je pense que la colère provient aussi du fait qu'ils perdent du pouvoir. Ils veulent désigner les coupables. C'est à cause de cette personne noire que j'ai perdu du pouvoir. Et donc, il y a des gens qui sont embêtés par les nouvelles contraintes liées au politiquement correct ou par les programmes de discrimination positive. Et parce que tout à coup, il doit faire attention à ce qu'il dit sur les gens de couleur ou sur les femmes. Mais nous, on dit, tu aurais dû faire attention dès le début. Donc je pense que les hommes blancs en particulier se rendent compte que certains comportements ne passent plus. Car les gens sont en train de se réveiller. Ça n'a jamais été bien de dénigrer les femmes ou les personnes de couleur. Mais maintenant, on commence à élever la voix pour qu'ils rendent compte de leurs actes. You accountable. Les anthropologues au fil des siècles, collection de crânes à l'appui, ont consacré la supériorité de l'homme blanc. Même si leur classement, on l'a su a posteriori, reposait sur des contorsions, parfois complètement absurdes. L'universitaire Neil Irvin Painter est l'autrice de l'ouvrage « L'histoire des Blancs ». That's one of the points I wanted to make in History of White People. That was science. It was not pseudoscience. Those were the scientists with the best of bona fides. Dans mon livre, l'histoire des blancs, j'insiste vraiment sur ce point. C'était de la science. Ce n'était pas de la pseudoscience. Ces scientifiques étaient les plus légitimes du pays. Ce n'étaient pas des pseudoscientifiques. Je commence mon livre par une explication du terme « caucasien » et pourquoi on dit que les Blancs sont caucasiens. Car la plupart des Américains, même s'ils ont entendu parler du Caucase, ne savent pas où cela se trouve sur une carte et ignorent leur lien avec le Caucase. La figure du Caucase était associée avec la beauté. Donc les Caucasiens, pour Johann Friedrich Blumenbach, étaient les plus beaux du monde. Donc la beauté était une notion centrale au concept de race pour les scientifiques au XVIIIe siècle. Mais cette beauté était associée à une esclave blanche, une esclave sexuelle qui est morte d'une maladie vénérienne à Moscou. Et la notion de beauté a commencé à poser problème lorsque le concept de masculinité a été étroitement associé à l'identité, notamment par Ralph Waldo Emerson. Pour Emerson et sa cohorte au XIXe siècle, des personnes issues du romantisme, la blanchité devait incarner non seulement la beauté, mais aussi la virilité. Donc la figure du Normand, du Viking, du guerrier allemand, tout cela est apparu au cours du XIXe siècle, et les nazis s'en sont emparés ensuite quand ils ont développé la notion du combattant blond et corpulent. La semence saxonne porte en elle l'instinct de la liberté, a écrit Ralph Waldo Emerson avant d'ajouter « L'anglo-saxon est doté de la férocité des bêtes sauvages. Il est d'une force physique toute masculine. » Cette supériorité de l'homme blanc, selon l'allemand Christoph Meiners, justifiait l'asservissement des autres. En France, malgré une certaine fascination pour les Américains, des personnalités déploraient l'esclavage. Madame de Staël a dit que c'était une tâche. L'esclavage a aussi tempéré l'enthousiasme d'Alexis de Tocqueville. On a tendance à se souvenir des premiers mots de Tocqueville dans son livre « De la démocratie en Amérique ». Il fait l'éloge de la démocratie aux États-Unis, mais on oublie de lire ce qu'il dit par la suite. Son Amérique était essentiellement l'Amérique en amont de la rivière Ohio, et même s'il est moins explicite que son compagnon de voyage, Gustave de Beaumont, sur les faits horribles commis au nom de la race, Tocqueville, lorsqu'il franchit la rivière Ohio, se rend compte que l'esclavage est à l'origine de bien des horreurs dans ces régions des États-Unis. Et il parle aussi de l'impact négatif pour les propriétaires d'esclaves eux-mêmes. Ce n'est pas simplement les personnes mises en esclavage qui souffrent, mais aussi les esclavagistes qui, selon lui, sont devenus gâtés, vaniteux. Mais Tocqueville et Beaumont n'étaient pas les seuls observateurs de la culture américaine à parvenir à cette conclusion. Même Thomas Jefferson s'est rendu compte que l'esclavage n'était pas une bonne chose pour les esclavagistes. Et il l'a dit. Tocqueville, en effet, écrit « L'Américain du Sud, dès sa naissance, se trouve investi d'une sorte de dictature domestique. La première habitude qu'il contracte est celle de dominer sans peine. Cela fait de l'Américain du Sud un homme altier, irascible, violent, ardent dans ses désirs, impatient devant l'obstacle. » Fin de citation. Des commentateurs disent peu ou prou la même chose de l'Américain du Queens, Donald Trump. Il se plaint souvent et il peut être violent. Le FBI a déjoué une tentative d'enlèvement de la gouverneure du Michigan et au lieu de condamner les 13 membres présumés du complot et faire preuve d'empathie, Trump a dit à la télévision que les gens la détestaient et qu'elle aspirait à devenir un dictateur. J'ai souvent discuté de la misogynie de Trump avec des républicains. Pour eux, ces propos sont regrettables, mais ils relèvent du « locker room talk », des propos de mecs dans les vestiaires, qui n'ont pas d'impact sur la gestion du pays. C'est l'avis de Bob Maynard, consultant aéronautique, et de son épouse Nisha, infirmière. Je les ai rencontrés à une réunion de campagne du Parti républicain. Ce n'est pas vrai tout ça. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire de privilège blanc et de masculinité toxique. Le fait que tu sois homme et blanc à la naissance ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça devient complètement dingue. It's a political method used to divide us, that's all it is. Oh, absolutely. What is it? C'est une méthode politique qui vise à nous diviser, rien de plus. Tous ces trucs de masculinité toxique et de privilèges blancs et le reste, ce sont des outils de la gauche pour nous diviser. C'est comme ça qu'ils gagnent. Ils divisent les gens en différentes catégories, ils nous séparent et ça leur permet d'avoir la majorité. L'un des problèmes ici, c'est l'absence des pères dans les foyers et ce label de masculinité toxique que la gauche attribue aux gens pour nous faire croire que les hommes et les femmes sont exactement pareils. Ça a endommagé la famille et notre capacité à conserver la famille nucléaire. C'était bien leur motivation derrière tout ça depuis le début. Une fois que tu as détruit les faits, si la définition de l'homme et de la femme n'ont plus aucun sens, alors qu'est-ce qui a un sens ? Ceux parmi nous qui bénéficient de systèmes d'oppression ont intérêt à nier l'existence de ces systèmes. Robin DiAngelo, sociologue et autrice de l'ouvrage « Fragilité blanche ». En tant que blanche, on m'a appris à ne pas voir le racisme, mais à en profiter et même agir pour le maintien du statu quo. Les hommes blancs sont non seulement investis dans le statu quo du racisme, mais aussi du sexisme et du patriarcat. Et ils ont dans les deux cas des réflexes défensifs qui sont du même ordre. Lorsque leurs avantages en tant qu'hommes sont pointés et lorsque leurs avantages en tant que blancs sont pointés. Il y a une expression. Quand vous vous êtes accoutumé à 100%, 98%, c'est une insulte. En tant que femme, j'ai compris très tôt que le monde était injuste envers les femmes. Hélas, je n'ai pas compris assez tôt que le monde était injuste envers les Noirs et que j'en avais profité. On se rend moins compte du courant quand il nous porte. On prend davantage la mesure quand on le remonte. Mais on enseigne aux hommes blancs depuis leur naissance que tout leur revient et qu'ils sont légitimes à prendre les commandes de tout. Donc, il est très difficile de les défier sur ce point. Il va y avoir beaucoup de résistance. Aux États-Unis, il y a ce président qui est un mâle blanc extrêmement clivant. Et il a amplifié ces divisions à un niveau tel que je ne suis pas sûre que l'on s'en remettra. Les hommes blancs se sentent tellement autorisés avec lui à déclarer ouvertement leur sexisme et leur racisme, ce qui permet à un démagogue de prendre le pouvoir, c'est l'identification d'un ennemi. Il faut qu'il y ait un « nous » contre eux. Et Donald Trump s'est fait le chantre du « nous » contre eux. Un article du Washington Post de 2019 a établi un parallèle entre le vote Trump et les régions où un nombre important d'hommes ont tapé les termes « dysfonction érectile » ou « Viagra » sur des moteurs de recherche. Comme si Trump était un remède à leur masculinité fragile. Pourtant, il n'est pas l'archétype de l'homme viril. Il parle souvent de sa coupe de cheveux. Il ne peut pas poser torse nu à dos de cheval comme Vladimir Poutine. Ses électeurs se tournent vers lui pour d'autres raisons. Mike Lukovich est caricaturiste au Atlanta Journal Constitution et est double lauréat du prix Pulitzer. Alors, je le dessine toujours en orange, parce qu'il est orange avec tout le maquillage qu'il se met. Et sa cravate est toujours trop longue, donc je lui mets une longue cravate qui est rose. C'est ma façon de dire qu'il n'est pas très viril. Je pense que c'est un faible, quelqu'un de trouillard, mais qui est aussi une petite brute. Les brutes sont souvent comme ça. Et il n'aime pas être confronté aux femmes. Si vous regardez ses conférences de presse, vous le voyez, surtout avec les femmes de couleur. Il est tellement condescendant et méchant. Cette méchanceté et cette misogynie plaisent à certains mâles blancs américains. Ils aiment ça, et je ne comprends pas pourquoi. Pour moi, être masculin et fort, c'est aussi être capable de montrer de l'empathie, être capable de dire pardon, reconnaître ses erreurs, et être patient. Et Trump est tout sauf ça. Je ne suis pas psychiatre, mais il y a un groupe qui s'appelle les incels. Les célibataires involontaires. Ils veulent brutaliser les femmes car ils n'arrivent pas à avoir de copines. En gros, c'est ça leur truc. Dans notre culture, il y a beaucoup d'hommes blancs qui sont à la traîne. Many white males have sort of fallen behind. Si tu n'as pas de diplôme universitaire, et même si tu en as un, c'est plus difficile d'avoir une carrière. Donc je pense qu'il y a beaucoup de mecs blancs en colère. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent les mecs blancs. Mais ils se sentent supérieurs quand ils voient leur président dénigrer une femme. Il y a une quinzaine d'années, j'étais allé manger dans un restaurant assez chic à Atlanta avec une amie d'enfance, Colby, la petite fille de la voisine de mon grand-père. Elle n'avait même pas fait semblant de vouloir partager l'addition. En même temps, j'avais l'impression d'être le mec classe qui avait réussi. Mais déjà à l'époque, j'avais trouvé ça un petit peu genré. Mais si l'épisode se répétait aujourd'hui, peut-être que Corby prendrait la note, et même me ramènerait chez moi dans sa voiture qui serait peut-être plus belle que la mienne. Ça ne me poserait pas du tout problème. Allez, peut-être une petite gêne sur le moment, une petite griffure à ma virilité, comme lorsque je suis le seul homme au yoga et que la prof me dit devant tout le monde que je m'y prends mal, car je force trop. Et pour de nombreux blancs aux États-Unis, ce type de situation amplifiée, démultiplié est insupportable, et ce serait lié à une conception rigide de la masculinité traditionnelle. L'Association de psychologie américaine, APA, a développé cette notion dans ses toutes premières directives consacrées spécifiquement aux hommes en 2019. Jackson Rayner est psychiatre et exerce à Atlanta. Dans notre culture occidentale, on nous apprend à penser en mode binaire. Ceci ou cela, en haut, en bas, noir, blanc, mâle, femelle. Et en matière de rôle et de genre en particulier, nous nous déplaçons actuellement vers un endroit qui est au contraire non binaire. Les gens se définissent davantage individuellement. Et il y a d'autres manières pour les hommes et les femmes de se comprendre. Ceci dit, historiquement, on a toujours enseigné aux garçons des traits masculins stéréotypés. Ces traits masculins que l'on enseigne encore sont la recherche du statut, rencontrer le succès et s'accomplir dans le sport et le travail. On nous enseigne à être indépendant, confiant, compétitif, preneur de risques, pas émotif, et à utiliser la résolution de problèmes comme mécanisme pour naviguer dans le monde. On attend des hommes qu'ils se comportent selon ces modes masculins pour pouvoir prétendre à la catégorie privilégiée qui traverse des tensions en ce moment dans ce pays. Je parle de la catégorie des privilèges d'hommes blancs, et en particulier les hommes blancs privilégiés âgés. Nous l'observons notamment dans le monde politique, et si un homme ne se comporte pas selon les modes évoqués, il risque de perdre sa place dans le club des hommes blancs. Et pour lui, c'est très effrayant. Pourquoi est-ce que des hommes ont le sentiment de vivre un échec? We live in a very radicalized society right now. We are now in unveiled. Nous vivons dans une société qui est radicalisée en ce moment. We have seen a great deal of rise in the value. Nous sommes dans une période de soulèvement culturel qui s'étale au grand jour. And that challenges white men because if women. Nous avons vu la valeur accordée aux femmes croître et cela représente un défi pour les hommes blancs. Car si les femmes deviennent plus indépendantes, plus confiantes et parviennent à l'égalité salariale et voient des films comme La revanche d'une blonde qui montre que les femmes peuvent tout entreprendre, cela finit par menacer le statut privilégié traditionnel des hommes blancs. Et si vous avez le statut et le privilège, vous n'allez pas y renoncer facilement. La plupart des hommes vont dire oh, « Non, non, non, vous ne pouvez pas avoir mon poste, il n'y a pas de place pour vous. » Et donc, vous allez entendre des hommes dire « Nous ne sommes pas des femmes, nous ne sommes pas comme les femmes et nous ne faisons pas les choses que font les femmes. » Par conséquent, tous ces marqueurs sociaux qui s'éloignent des rôles traditionnels attribués aux femmes et aux hommes deviennent très menaçants. Il y a une quête pour une nouvelle définition de la masculinité. Certains hommes acceptent d'entrer dans le questionnement. Que veut dire être un homme aujourd'hui, qui est moins défini par le stéréotype de la masculinité rigide? D'autres hommes disent « Oh non, non, non, non, non, nous n'allons pas entrer là-dedans ». Les élections primaires et parlementaires de la mi-mandat en 2018 ont consacré la victoire, parfois surprise, de plusieurs candidates démocrates. Elles ont vite trouvé leur place au Congrès, où elles ont rejoint des femmes qui avaient déjà commencé à bousculer leurs homologues républicains. On a vu ce qui était arrivé aux hommes blancs avec Alexandria Ocasio-Cortez, Kamala Harris, Nancy Pelosi. Ce sont de brillantes personnalités politiques et ils les ont traitées de chiennes. On n'a pas dit d'elles qu'elles étaient agressives, réfléchies, qu'elles traquaient les preuves, traquaient les faits. On a dit qu'elles étaient des mégères et des salopes, alors qu'elles étaient puissantes, claires, précises. Et si elles avaient été des hommes blancs, il n'y aurait pas eu de bronca. Personne ne se serait plaint. Mais elles sont des femmes. Les femmes sont censées être gentilles, et ces femmes n'étaient pas du tout gentilles. Mais moi, j'ai tendance à dire que si la seule chose que vous avez à dire au sujet d'une personne est qu'elle est gentille, il vaut mieux ne rien dire. Le chauvinisme mâle. Tanya Washington, professeure de droit à la Georgia State University. Parmi les matières que j'enseigne, il y a le droit de la famille. Et donc, nous étudions l'évolution des lois qui, au début, considèrent que les femmes ne sont pas des personnes. Elles n'ont pas plus de droits que les enfants, elles sont sous la domination de leur mari et elles ne peuvent pas avoir de propriété, ne peuvent pas ouvrir un compte courant à la banque, ne peuvent pas régir leur vie. Et c'est comme ça que les femmes ont commencé en Amérique et il faut nous le reconnaître. Alors oui, les femmes ont gagné beaucoup de terrain, mais nous ne sommes pas au bout. Car de la même façon que la suprématie blanche est structurelle, le chauvinisme blanc est structurel. Le chauvinisme des hommes blancs en 2020 se sent menacé, car il y a tant de femmes et de femmes de couleur qui s'affirment dans des espaces où elles n'avaient même pas accès avant. Si l'on remonte à la nomination historique de Kamala Harris en tant que candidate à la vice-présidence aux côtés de Joe Biden, la réponse à sa nomination était imbibée de chauvinisme. Ils ont dit que c'était une femme noire enragée, trop agressive, Tout ça, c'est typique du chauvinisme. Ils ont dit qu'elle était trop ambitieuse. Pas assez douce. Personne ne doit dire à une femme comment elle doit être une femme. J'ai écouté des interviews avec sa famille et ses amis. Elle est une tante et marraine, une sœur et une amie merveilleuse. Quand elle est au Sénat, son travail est d'interroger les gens pour parvenir à la vérité. Et la façon dont elle s'y prend est très menaçante pour les hommes qu'elle interroge. Les nommés pour la Cour suprême n'ont pas aimé ça du tout. Attorney General Barr. Le procureur général William Barr non plus. Je ne crois pas que ces hommes avaient déjà été interrogés de la sorte par une femme noire. Donc, ils ont mal réagi. Elle était si brillante. Elle les a poussés dans leur retranchement. Ils se sont mis à bégayer. Ils n'arrivaient plus à parler. Cela a mis en lumière son efficacité et ses compétences, mais aussi leur incrédulité. Ils n'arrivaient pas à croire ce qui était en train de se passer, parce que ce n'est pas censé arriver. Les femmes noires ne sont pas censées interroger les hommes blancs. Mais voilà, nous y sommes. Et le fait que Biden ait choisi une femme qui l'a interrogée aussi, lors d'un débat et de façon efficace, montre qu'il ne se sent pas menacé de la façon dont ces autres hommes blancs sont menacés. La fragilité masculine a été instrumentalisée par les groupes d'extrême droite. Jessica Reeves a rédigé un rapport sur le sujet pour l'organisation Anti-Defamation League, après avoir passé beaucoup de temps en ligne sur les sites de la manosphère, des sites où les hommes se défoulent contre les femmes. Elle a distingué trois groupes en particulier. The MRAs were the men's rights activists, and these guys essentially... Il y a le groupe des MRA, les militants pour les droits des hommes. Ce groupe est une riposte à la deuxième vague féministe des années 70. On les a vus lutter pour les droits des pères et les droits des hommes au travail. Mais ces dernières années, ils ont un peu basculé dans l'extrémisme. Par exemple, récemment, un procureur a tiré sur la famille d'une juge dans l'État du New Jersey. Il était en colère parce qu'elle avait, je cite, « trop de pouvoir ». Le deuxième groupe s'appelle les pick-up artists et ces gars se retrouvent en ligne le plus souvent, mais il leur arrive de se rencontrer physiquement. C'est un groupe vraiment bizarre. Ils échangent des conseils pour mener une guerre psychologique aux femmes lors de rencontres romantiques. Ils partagent des techniques pour, par exemple, déjouer un test ADN suite à un viol. Ou dire dans quelle boisson ils peuvent plus facilement dissimuler les drogues du viol. C'est une façon très nocive de passer du temps en ligne. Et enfin, il y a les incels, ou les célibataires involontaires, qui sont des hommes hétérosexuels, jeunes pour la plupart, ils ont entre 20 et 30 ans, et ils se retrouvent en ligne pour parler de la façon dont les femmes les privent de leur droit inné à avoir des rapports sexuels. Of their sexual birthright and how they're not having romantic or sexual success with women. Ils n'ont pas de succès romantique ou sexuel avec des femmes, et c'est la faute de la société qui fait des hommes des victimes. Mais c'est aussi la faute des femmes qui sont trop stupides ou impétueuses ou pas capables de contrôler leur sexualité, et donc elles doivent être contrôlées par la violence ou par d'autres moyens. Sexuality and so they need to be controlled through violence or other means. Le rapport de Jessica Reeves comprend un glossaire, car les membres de ces groupes, les incels en particulier, ont un vocabulaire bien à eux. They refer to men who are sexually successful as chads. Ils appellent les hommes qui ont du succès sexuellement des chads. Et les incels voudraient tous être des chads. Et les incels ont une idée très précise du physique des chads. Et c'est une approche incroyablement obsessionnelle de la personne. This happens on the incel forums all the time. They will take a picture of a man who they deem a chad. So like Brad Pitt, for example, is a chad to the Ils vont jusqu'à prendre une photo d'un homme qu'ils considèrent être un chad, prenant Brad Pitt, par exemple, qui est un chad pour eux, et ils vont analyser de façon microscopique la distance entre ses yeux et ses fossettes, ou entre ses yeux et ses oreilles, ou la largeur de sa mâchoire en certains endroits, ou la distance entre son nez et ses lèvres. Et ils vont mesurer tout cela et prendre des notes. Et de nombreux incels sont prêts à recourir à la chirurgie esthétique. Donc ils pensent que s'ils parviennent à une certaine ossature ou à avoir un certain type de visage, alors ils deviendront des chads. Ils ne veulent pas considérer une seconde que la personnalité peut entrer en jeu dans la séduction et dans les relations. Ils se disent, si mon menton était plus large de quelques millimètres, je serais un chad et j'aurais du succès. Donc, les chads, c'est leur but. Les Stacys sont les femmes avec qui les incels aimeraient sortir, mais qui sont dénigrées sur leur site, car les Stacys veulent seulement sortir avec des chads. Donc il y a cette idée que les Stacys volent aux incels leur droit inné à avoir des relations sexuelles. Il y a d'autres termes. Je serais ravie de vous expliquer les autres, mais ce sont les deux principaux pour les incels. So I spent a lot of time on message boards, both those facilitated by. J'ai passé beaucoup de temps sur les forums de discussion des gens de l'alt-right, la droite alternative qui a émergé au début des années 2010. Ils sont suprématistes blancs, xénophobes, misogynes, islamophobes, etc. Islamophobic, etc. Et j'ai passé beaucoup de temps aussi sur les sites de la manosphère, les sites des trois groupes que je vous ai décrits. La narration de la victimisation est ce qui les relie. Pour les trois groupes pick-up artists, incels et MRA, les hommes sont agressés, menacés, leur place dans le monde est menacée par les femmes, par les avancées des femmes, par les femmes en politique ou les femmes qui demandent l'égalité salariale. Et du côté des suprématistes blancs, qui au passage sont incroyablement misogynes, leur idée est que les hommes blancs sont menacés par une incursion de non-blancs. Et donc, ils se nourrissent vraiment d'éléments qui alimentent leur récit de la victimisation. Et j'ai commencé à voir des représentations de l'idéologie de la suprématie blanche, en particulier l'antisémitisme et la xénophobie, mais aussi du racisme pur sucre, sur les forums des incels. Donc, en analysant les conversations qui se déroulent en direct sur les sites et au fur et à mesure que l'on bascule d'une plateforme à l'autre, on commence à voir une cross-pollinisation et de l'intersectionnalité entre ces groupes d'hommes blancs qui se sentent extrêmement lésés. Donc nous sommes dans une période très étrange en ce moment. Et j'espère que ce sera une anomalie dans notre histoire, mais nous vivons une période très tumultueuse ici. Largely white men. As well as like pimps and hoes as well. So guys would like have a dancer and they basically would get the money from her and give the girl what they felt that she. J'ai discuté du comportement des mâles blancs avec une stripteaseuse noire d'origine californienne au Claremont Lounge, le plus vieux strip club d'Atlanta, qui était situé sous mon hôtel, un ancien hôtel de routier transformé en hôtel de hipster. J'étais déjà allé dans un strip club une fois, le Plan B à Santa Monica en Californie. C'était en fin de soirée avec des copains et leurs copines. J'étais surpris de les voir, elles aussi, chiffonner des billets de 1 ou de 5 dollars et les lancer sur scène au pied de la stripteaseuse qui devait se cambrer pour les ramasser. Je trouvais ça un peu dégradant. J'en ai parlé avec des clientes du Claremont Lounge qui fumaient des cigarettes dehors. A woman getting on the stage and dancing is a symbol of her power. Une femme qui monte sur la scène et qui danse, c'est le symbole de son pouvoir, de sa féminité. My body. C'est un peu, voilà, c'est mon corps, c'est le mien. Il y a pas de quoi, et maintenant donne-moi du pognon. C'est ce que je pense. Quand tu commandes un espresso, je te donne ton espresso et tu me donnes de l'argent. Quand tu vas dans un espace coquin, elles disent « Je te donne ma chatte et tu me donnes de l'argent. » C'est une transaction. Mais elles sont dans un espace sûr, car tu ne les touches pas. Elles sont propriétaires d'une sphère autour d'elles, comme une barista derrière le comptoir. Tu es serveuse. Tu as ton endroit à toi derrière le comptoir. Et nous avons tous du travail. C'est ta profession, tu l'as choisie, alors fonce, travaille dur et gagne ton argent. Je considère ces filles exactement de la même façon que je considère mon dépanneur ménager ou ma serveuse. On fait tous des boulots. Et aussi, moi je m'incline devant leur service, car je veux voir ce cul bouger. Alors toi, qu'est-ce que ça te fait? Ça te plaît, petit français? En fait, c'est pas trop mon truc, c'est tout. Mais je suis quand même resté un peu au Claremont Lounge. J'ai prolongé la discussion, lors de cette soirée pas banale tout de même, aux toilettes des hommes, avec Ali. Il m'a juste dit son prénom et dit qu'il était juriste, sans plus de précision. Il faut dire qu'il a sniffé de la cocaïne pendant toute notre conversation. C'est vrai que ma femme ne sait pas que je suis ici. Ouais, non, non, ce que je fais socialement, ce qu'on fait ici, on sort, il n'y a rien de grave. Si des gens la prennent, c'est pas un drame. Ma vie n'est pas fichue, ça va. Bon, c'est pas extra, mais ça va. D'abord, toi, tu viens d'arriver. Et t'as vu, techniquement, c'est un strip club ici, oui. Mais il y a toujours une seule fille qui danse sur scène derrière le comptoir du bar. Peut-être qu'elle enlèvera le haut et qu'on verra ses tétons. Mais il n'y a rien d'outrageux. Alors si t'es croyant, peut-être c'est autre chose, mais sinon ça va. Donc pour moi, il n'y a pas de quoi fouetter un chat ici. Je sais pas, c'est dur à décrire, c'est juste un truc marrant, c'est exotique. Voilà, c'est exotique. C'est pas comme si t'étais en train d'essayer d'avoir un rapport sexuel avec les stripteaseuses. T'es juste là, c'est marrant. Et puis je suis pas le président des États-Unis. Donc c'est pas grave. Même si je pense que son comportement à lui est complètement lamentable, c'est horrible. On vote pour des mecs avec qui on serait à l'aise pour bavarder, mais la vérité, c'est que les gens pour qui l'on vote devraient être de bien meilleures personnes que nous. Et Donald Trump n'est pas cette personne. Donc si toi, t'es quelqu'un de bien, le message de Trump n'aura aucun impact négatif sur toi. Mais si t'es déglingué, alors oui, tu te diras, cool, on peut attraper les meufs par la chatte, la voie est libre, le président l'a dit. Trump fournit à des gens une espèce de caution qui les conforte dans leur point de vue. Trump croit-il réellement les conneries qui sortent de sa bouche? C'est pas le sujet. Il fournit à ses partisans une justification pour qu'ils continuent de croire aux conneries qui les animent. En quittant le strip club, j'avais l'impression d'être bien coincé quand même. Il faut dire que la culture américaine est assez différente de ce point de vue. À Noël, les Américains envoient des cartes de vœux avec une photo où l'on voit les parents, les enfants, la famille unie, débordant de bonheur, bien habillés, bien coiffés, souvent sur les escaliers du porche de la maison avec le chien. Mais il y a aussi de nombreux endroits où des hommes peuvent se rincer l'œil avec la bénédiction de leur compagne, comme dans les restaurants de la chaîne Hooters, connus pour leurs chicken wings, leurs ailes de poulet, mais aussi leurs serveuses et leurs uniformes, shorts courts et t-shirts qui dévoilent bien la poitrine. Et je ne sais pas, c'est un peu comme si le mâle américain, qui prenait beaucoup sur lui, avait le droit de s'amuser. Ou si ça faisait partie de l'expression légitime de sa virilité d'aller dans des endroits comme ça. Personnellement, je me sens plus proche du jeune plasticien Sean Campbell. Pas physiquement, parce que c'est une armoire à glace, il mesure plus de 2 mètres, mais parce qu'il s'interroge sur la façon de vivre sa masculinité et sur bien d'autres sujets qui m'intéressent aux États-Unis. Je l'ai rencontré dans son atelier, qui est aussi son logement, au sous-sol d'une maison un peu humide et au plafond bas, pas loin du centre d'Atlanta. Il avait accroché au mur des photos retravaillées avec des slogans qui avaient l'air de se moquer de la guerre et du patriotisme américain. Et au beau milieu de la pièce, il y avait un cheval en bois au flanc plat et carré sur lesquels il avait fixé des écrans d'ordinateur. Ça, c'est une nouvelle sculpture. Je viens juste de la terminer dimanche. Pendant le Covid, j'ai eu beaucoup de temps pour faire des recherches et créer, et mon travail a un peu dévié vers un nouveau thème. J'explore un nouveau sujet. Le mythe du cow-boy américain. A body of work that I was making was exploring power and violence and kind of how it is related and kind of spider webs within other work that I've. J'ai beaucoup exploré les thèmes du pouvoir et de la violence, et c'est lié à une galaxie d'autres projets que j'avais fait sur le football américain, le militarisme et la propagande. Et ça m'a amené presque naturellement à glisser vers le mythe du cowboy. Une thématique très américaine que je connais bien a priori, mais dont j'ignore tout au final, d'où elle vient et tout. Donc j'ai commencé à me renseigner. Et pour cette œuvre, ce qui m'intéressait, c'était le cow-boy solitaire ou le héros qui taille sa route pour s'en sortir, régler un problème, le gredin qui va soit gagner, soit perdre, mourir ou vaincre. C'était un peu l'idée, je suis encore en plein dedans, donc ce n'est pas encore très clair. C'est lié au film western et à l'idée de frontières, de territoires sans fin, lié à la promesse de croissance et de prospérité du rêve américain, alors qu'en réalité, il y a une fin, une frontière naturelle, l'océan. Et puis ça repose sur un concept qui, dès l'origine, n'était pas réaliste, parce que ce n'étaient pas des territoires libres sur lesquels on est tombé. Il y avait déjà des gens quand on est arrivé, et on a pris les terres. Donc j'explore ce thème et toutes ces contradictions. If you look at me, you can see me like I'm a 6'9", large framed white male. So like I'm like the pinnacle of what most people would define as a masculine human being. Moi, tu me vois, je suis un homme blanc qui mesure 2m5 avec les épaules bien carrées. Je suis la caricature de l'homme viril dans l'imaginaire des gens. Mais je ne me définis jamais comme ça. I try my hardest to. Je me vois plutôt comme un doux géant. Any type of conflict and that kind of stuff. But interesting about that is that that ideology has always been. J'essaie à tout prix d'éviter les conflits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a toujours imposé cette idéologie. Les gens disaient qu'il fallait absolument que je joue au football avec mon physique. J'en avais aucune envie. J'ai fini par céder et jouer un peu parce qu'on m'a dit que sinon ce serait du gâchis. Mais bon, à la fin, je suis un homme et je suis attiré par toutes ces voix et toutes ces choses qui me disent ce que je devrais être. Je suis censé être cet être humain, viril, puissant, qui peut affronter seul la forêt pour chasser et tout le reste. Je suis à des années-lumière de tout ça. Je déteste la forêt, je n'aime pas la marche et je ne supporte pas les insectes. Donc j'essaie de comprendre pourquoi je suis censé être comme ça, pourquoi c'est important. Donc je m'en empare, je le dissèque et j'essaie de comprendre pourquoi on en arrive là. Je n'ai pas encore la réponse. C'est pourquoi j'aime beaucoup explorer ce thème de la masculinité, du pouvoir et de la violence, parce que j'ai l'impression que c'est inépuisable, c'est sans fin. Out on the sea, we'd be forgiven. Our body stopped, the spirit living. Wouldn't you like to know how far you've got left to go? Somebody's trying. Free Stupid White Male, l'Amérique blanche en question. Un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Rafik Zénine pour la série documentaire. Documentation, Annelise Signoret. Doublage, Kiddy Bébé, Christine Moncla, Amaury Chardot, Antoine Beauchamp, Régis Royer, Anne de Peufelou, Raphaël Kraft, Elena Brokolich. Prise de son et mixage, Marie Lepeintre. Coordination, Marie-Yvonne Abolivier et Perrine Kervran. Démocrates, républicaines, grands électeurs, complotistes, croyants ou hipsters, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant de voter, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Yvonne Abolivier, Jules Crétois et Annelise Signoret.